Chapitre 5. Il n'était pas si facile qu'elle l'avait cru de jouer avec la belle poupée. Aux premières paroles qu'elle prononça. « Non, non, madame Piran, répondit le jeune Lecointre, je ne veux pas encombrer votre intérieur. Laissez-moi dans mon hôtel à matelots. C'est tout ce qu'il faut, je vous assure. » Cultivée était sa façon de parler, impressionnante la courtoisie de ses moindres gestes. Nonobstant timidité, joues rougissantes et figure d'adolescente, il avait l'autorité des gens éduqués, apanage que le peuple est toujours prêt à reconnaître et qui lui impose même sans qu'il le sache. « Y prêche bien ?» disaient admirativement les bonnes femmes. La Pirane, le voyant s'obstiner, l'enveloppait de ses plus étincelants sourires, de ses regards les plus coquets. Mais plus elle se faisait séduisante pour le convaincre, et plus il devenait réservé. C'était la première fois qu'arrivait une pareille chose. L'humiliation étonnée qu'elle en ressentit, elle, la lionne du port, elle qui n'avait qu'à vous regarder un homme pour lui faire perdre la raison, la sorte de scandale qui lui venait devant cette défense inattendue, firent plus qu'il n'en fallut pour mûrir en elle des nouveautés toutes prêtes d'éclore. « Ce petit, songeait-elle toute seule, le cœur me bute de ne pas arriver à le gagner. Tenez, j'ai pas encore jamais vu chat. Non, madame Piran, avec son air inoffensif. Il est plus forte tête que d'aucun que j'ai plié, rien que d'un coup d'œil. Mais je verrons bien qui sera le plus fort de nous deux, car j'ai le cœur guerrier, et ce n'est pas pour rien, marcher, que je suis la Pirane. » Il fallut plus de 15 jours pour le décider, et, grave défaite pour la poissonnière, il ne consentit à venir habiter chez eux que lorsque Jean Piran lui-même s'en mêla. « Nom de zo ! Est-il que vous nous trouvez malencoureux, ou vous ayez des goûts de notre maison, qu'il vous faut tant de berdi-berda pour y venir ?» Seules ces paroles de son patron le firent céder, et si vite qu'il apporta le soir même ses effets au logis de la rue Haute, pour la stupéfaction de la Pirane qui ne s'y attendait pas. « J'avance de pièce en haut qui ne nous sert brin. Ce sera votre chambre. Dame, ce n'est pas à ça que vous êtes habitué, mon jeune homme, mais c'est sûr et certain que vous serez toujours aussi bien là qu'à l'hôtel des marins et pour le même coûtement. Quant à la propreté... » Le sourire de Clémence Piran disait le reste. Des petits plats pour Gabriel, repriser les chaussettes de Gabriel, faire la lessive de Gabriel. Pendant les moments de loisir laissés par la pêche en mer, il lisait. Son bagage comportait tout un chargement de volume. L'étant dans les mains, pendant qu'à la lampe son hôtesse ravaudait pour lui, sans jamais lever les yeux sur elle, il s'absorbait dans sa lecture. Jean Piran fumait sa pipe. L'automne avancé faisait les jours courts, les soirées longues. Quand elle en eut assez de son silence, la Pirane un soir. « Qu'est-ce que vous étudiez donc comme chat à cœur de journée, moi bien curieuse ?»« Je relis mes livres de Rouen. »« Et pas pour nous, bien sûr. »« Mais si, madame Piran. Tenez, ce soir, je relis un livre de Chateaubriand. Il y a des voyages là-dedans. » Faites-nous la lecture tout haut, un moment, qu'on voit. » Les sourcils froncés, elle tendait son intelligence. Il lisait, s'interrompait. « Moi, j'aurais toujours voulu aller en Amérique, » dit Jean Piran, intéressé tout à coup. « Continuez, garçon. Arrête bien votre cassement de tête. » Et ce soir-là, quand l'heure vint du coucher et qu'ils furent seuls. « Est beau, l'instruction, » remarqua le pêcheur. « Qui t'en dit, Clémence ?» J'en dis qu'on est heureux d'avoir ça chez nous. On croirait qu'on a eu un petit gars tous les deux. Parfait, est tout juste ce que je me pensais aussi. Marie Chausselin, lui, rôdait comme un loup maigre autour de la maison. La Pirane l'avait si bien persuadé que ce petit matelot de théâtre empoisonnait son existence qu'il ne songeait pas à en être jaloux. Mais chaque fois qu'il pouvait approcher sa maîtresse devenue inaccessible, elle se rendait compte, au ton de ses paroles, que son exaspération devenait de plus en plus dangereuse. « Des marques dans la maison, que tu dis? C'est ce freluquet qui m'empêcherait de t'avoir les nuits qu'on peut? Ah, quelque jour j'y ferai un mauvais coup, tu verras, et j'en serai débarrassé. » « T'en avises pas, » répondait-elle en retenant son cri d'indignation. « C'est un fil de grandes gens, mon pauvre mari. Je ne somme pas encore sorti de Dieppe si jamais t'y touches. » Une nuit, Cachée dans l'obscurité de sa chambre, elle vit distinctement son amant au pied de la maison, les semelles dans les dernières vagues. La marée était mauvaise, l'homme, le matelot et le mousse au large. Une inquiétude grandissante l'avait arrachée de son lit pour regarder le vent. Un grain passait, tout sifflait, tout ruisselait, tout se dépêchait dehors, dans le noir. Son cœur battait à coups sourds qui semblaient la remplir des pieds à la tête. Ce n'était pas pour son mari, ce n'était pas pour le mousse. Pour qui donc avait-elle peur? Elle mordit la main qu'elle avait portée, tremblante, à sa bouche, où les dents claquaient. La vérité lui fut révélée. Et ce fut juste à cette minute foudroyante qu'elle aperçut l'autre, sa silhouette grelottante et guetteuse de voleur, qui calcule comment entrer par la fenêtre pendant que personne ne défend la maison. Le flot d'exécration qui la souleva lui fit mesurer encore mieux l'abîme qui séparait l'homme qu'elle avait aimé du délicat, du mystérieux, du supérieur petit étranger pour lequel elle se sentait avant tout une mère. Celui-là, son envie était de le protéger, de le dorloter plutôt que de l'étreindre. Elle l'admirait et respectait de toute son humilité d'inférieur. Il lui semblait qu'elle n'oserait jamais approcher le visage raffiné, même pour un simple baiser sur la joue. Quelque chose de plus fort que la sensualité, de plus tenace que le désir, était entré sournoisement en elle. Cette douceur profonde transfigurait sa vie. C'était la première fois depuis qu'elle était née. Elle ne reconnaissait rien d'elle-même. Elle recula dans l'ombre, offensée par la présence brutale à deux pas du mal qu'il l'avait si longtemps repu. Il pouvait monter à la fenêtre, gratter, supplier tout bas. Moins que jamais, elle lui ouvrirait cette nuit. La tempête se calmait, saute de temps comme sans cesse il s'en produit sur l'estuaire de Seine. Rassurée et pour ainsi dire pudique, la Pirane retourna sans bruit se glisser dans le lit conjugal. Le jeune Lecointre fit encore une résistance désespérée avant de consentir à l'escorter jusqu'à la branche belle le premier jour où cette promenade fut possible. La Pirane, à la fin, employa les arguments même de son mari. « Quand on veut courir la marée, dit-elle offensée, faut accepter d'être prisonnier comme nous autres. Si vous vous croyez déchu d'être vu en campagne avec la mère Piran, valait mieux rester dans vos maudits bureaux. » L'effet immédiat se produisit comme elle y comptait. Un moment plus tard, chargé d'une bourriche de crevettes, il allongea le pas sur les routes aux côtés de la belle femme. Il avait encore moins de conversation que Marie Chausselin, mais la Pirane était heureuse. Sans essayer de le faire parler, car elle était elle-même sous l'empire d'une gêne bizarre, par instant elle repaissait à la dérobée sa vue du joli être qui l'accompagnait à travers le solennel automne. Comme un poison lent, elle buvait du charme. À quelques questions qu'elle lui posa, tout de même sur sa vie à Rouen, il répondit poli, monosyllabique, impénétrable. Sans doute ne savait-elle pas employer les mots qui convient à cette caste difficile. Au retour, la nuit était tombée. Dans l'ombre plus épaisse d'un chemin creux, elle osa se rapprocher et, comme pour chercher une aide, s'appuya sur le bras du charmant matelot. Elle sentit sans le voir son mouvement de recul. Est-ce qu'elle le dégoûtait vraiment? Amère, perplexe, elle évita de lui parler jusqu'à l'heure du coucher. Et quand il partit au milieu de la nuit avec son patron, Jean Pirant, elle ne se leva pas comme de coutume pour les préparatifs de leur pêche. Une mauvaise nuit encore, pluie et froid sur l'estuaire, et Marie Chausselin, qui l'avait vue dans la journée se mettre en route avec le jeune garçon, faisant presque un scandale pour entrer de force dans la maison. Pour la première fois du haut de sa fenêtre, elle le rudoya, regretta ce mouvement tout le reste de la nuit, assise à garde dans son lit, vit à l'aurore venir ses deux marins glacés sous leur ciré, Gabrielle livide et parcourue de tels frissons qu'elle se hâta de lui faire un grog au calvados. « Malva, ce gamin-là, s'il n'a pas pris la pulmonie !» Ce ne fut qu'une bronchite, mais accompagnée d'une température si forte que les deux Pirans prirent peur. « Je ne veux pas de médecin, je ne veux pas qu'on écrive à mes parents !» Le deuxième jour, penché sur son chevet, l'homme et le mousse en mer, la Pirane, pour la 20e fois, vint tâter le poignet du malade. Elle le soignait avec son instinct, tisane brûlante, alcool et gros cataplasmes. Cramoisi sous ses cheveux en verre filé, le souffle court, il s'agitait. Et une sorte de délire montait dans ses yeux, ivre de fièvre et d'eau-de-vie de cidre. Il attrapa la main qui s'avançait vers son pouls, la serra d'abord contre sa poitrine, puis l'embrassa 5 ou 6 fois, avec une véhémence frémissante, avec un rire qui se mêlait à la quinte de tout. « Madame Piran, Madame Piran !» Les sourcils rapprochés, elle le regardait, aussi haletante que lui, car de surprise son cœur battait à tout casser. « Quoi, mon gars? Quoi, mon baiseau ?»« Oh, je suis heureux, Madame Piran !» Elle voyait bien qu'il était complètement saoul. « Être près de vous comme ça, tout seul avec vous. Donnez-moi votre main, elle me guérit, elle me console. Vous savez, ma mère, mon père, mes frères, ils ne m'aiment pas, ils ne me comprennent pas. Vous non plus peut-être, mais vous faites mieux. Oh, je suis si bien chez vous. Oh, vous, toute ma vie avec vous, toute ma vie à vous, mon argent, mon cœur, tout ce que j'ai à vous. Je ne savais pas pourquoi je voulais tant être marin. C'est parce que je vous devinais, vous, vous et la mère. Vous étiez si durs les premiers jours, et maintenant vous me soignez si bien. Vos petits plats, vos coutures, pour moi. J'ai chaud près de vous, je n'ai plus peur de rien. Et puis, oh, Madame Piran, vous êtes si belle !» Forcée de s'asseoir à ces mots, elle reçut sa tête sur son épaule. « Mon petit, mon petit !» Il chercha son nid dans le cou tiède, se cachant pour le dire. « Oh, Madame Piran, dès le premier instant que je vous ai vue malgré vos yeux méchants, oh, je vous aime, je vous aime !»« Taisez-vous » s'exclama-t-elle tout bas, presque épouvantée. « Pourquoi ? Je voudrais, ah, je voudrais !» Il se redressa, la regarda, les yeux clignés, lumière entre les cils noirs, les deux mains sur les bons bras qu'il pressait fort à travers la camisole de laine. « Je voudrais rester toute la vie tout seul avec vous, comme ça, toujours, toujours. Et vous savez, je n'ai jamais aimé encore. Oh, dites, est-ce que vous m'aimez un peu, vous ?»« Moi ?» siffla de tout près la voix basse, entre les dents qui se serraient. « Moi, mon petit, mais je vous adore. Oh, Madame Piran, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit ?» Leurs bouches se touchaient. Cependant, elle se détourna, fuyant la griserie inouïe. Tout en elle était étrange encore en cette minute même. Chastement, elle l'embrassa sur la joue. Elle était l'homme, lui la jeune fille qu'un coup de folie lui livrait sans défense. Elle sentit plus lourde la jeune tête retomber sur ses seins. Assommée par son exaltation, elle comprit qu'il s'endormait.